L'auto-sabotage est l'un des pires maux que l'on puisse s'affliger. En grandissant, en fonction de notre histoire personnelle, il arrive très souvent que nous perdions en chemin qui nous sommes réellement et que nous nous sentions soudainement démunis, angoissés, désorientés, pire, que nous nous interdisions même d'avancer, ayant à notre égard les pensées les plus négatives. Un retour sur soi est alors nécessaire pour faire la paix avec nous-mêmes, pour nous reconnecter à cet être formidable qui se cache à l'intérieur de nous. Je vous invite à vous installer confortablement dans une pièce au calme et à adopter une posture digne et confortable. Fermez doucement vos yeux pour poser votre attention sur vos sensations internes. Observez avec curiosité le va-et-vient de l'air qui pénètre dans vos narines et fait onduler votre corps. Notez les petites sensations physiques qui vous parviennent. Des vibrations peut-être. Des tensions. Des fourmillements. Peut-être remarquez-vous des sensations désagréables. Accueillez-les telles qu'elles sont, sans essayer de les canaliser ou de les changer. Posez votre regard intérieur sur les sensations agréables que vous ressentez ici et maintenant. La chaleur de vos vêtements, peut-être. Le sentiment de calme. La fluidité de votre respiration. Et laissez-vous bercer comme une feuille à la surface de l'eau. Si votre esprit s'échappe ou vagabonde, ne vous jugez pas trop sévèrement. N'oubliez pas que cela est parfaitement normal et inévitable. Félicitez-vous. Réalisez que vous êtes emmené au loin par vos pensées, c'est être en pleine conscience. Revenez simplement à votre respiration. Votre souffle est un ancrage qui vous permet de vous placer là où est votre corps, dans l'ici et le maintenant. Si vous le voulez bien, je vous invite à laisser votre souffle poursuivre son rythme et à prendre un instant pour retrouver votre espace intérieur. Cette zone de calme dans laquelle vous vous sentez en parfaite sécurité, totalement détendu et serein. Visualisez les détails de ce lieu intime. Laissez défiler les images et les idées qui ne lui appartiennent pas. Installez-vous dans ce décor. Et accueillez toutes les sensations et émotions que vous y trouvez. Lorsque vous serez prêt, imaginez devant vous une porte apparaître. Grande, petite, en bois ou en métal, cela n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que cette porte vous permet d'accéder à un lieu encore plus profond et encore plus secret à l'intérieur de vous-même. Alors que vous visualisez parfaitement cette entrée, je vous invite à pénétrer dans cet espace sacré. Laissez les images apparaître dans votre esprit. N'essayez pas de les contrôler et fixez votre attention sur ce décor qui s'offre à vous. Vous connaissez les lieux, vous les aviez juste oubliés. Vous êtes ici chez vous et vous retrouvez progressivement vos marques. Au centre de la pièce, vous découvrez un coffre. Observez ses contours, sa forme, sa taille, sa couleur. De lui, vous pouvez percevoir une douce lueur s'échapper. Une lumière éclatante, mais pas aveuglante. Une lumière rassurante et vibrante. Elle chuchote. Elle console, elle soupire des secrets. Approchez-vous lentement et ouvrez le coffre. Alors, vous laissez s'élever cette magnifique lumière qui s'enroule autour de vous et pénètre chacune de vos cellules. Vous la reconnaissez? C'est votre lumière, une partie de votre âme. Elle vous susurre à l'oreille les mots dont vous avez besoin à ce moment précis de votre vie. Elle rassure votre mental et le réconforte. Tout va bien se passer. Nous y allons ensemble, à notre rythme. Vous êtes enfin reconnecté à cette magnifique partie de vous-même, toutes vos ressources et votre plein potentiel. Vous réintégrez cette formidable source d'énergie inépuisable. Grâce à elle, vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez les erreurs que vous avez pu commettre et vous les pardonnez. Vous ne ressentez plus l'envie de vous critiquer, de vous juger, de vous malmener. Vous êtes prêt à recevoir tout ce que la vie peut vous offrir, car vous avez désormais conscience que vous le méritez. Respirez profondément avec ces pensées positives. Chaque inspiration renforce ces affirmations. Chaque expiration évacue la moindre croyance limitante. Vous êtes enfin vous-même, parfait, tel que vous êtes. « Prenez le temps nécessaire pour vous imprégner de votre lumière. Lorsque vous serez prêt, remerciez-vous pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé. Posez de nouveau votre attention sur votre respiration et sur le parcours de l'air qui entre et sort de votre corps. Reprenez doucement conscience des zones de votre corps en contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Et reprenez contact avec l'espace dans lequel vous êtes pour revenir ici et maintenant dans cette pièce. Lorsque vous entendrez le son de la cloche, prenez un instant pour vous étirer avant d'ouvrir les yeux. À très bientôt.